L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il va falloir s'y faire. Notre galaxie est probablement pleine de trous noirs. C'est ce que conclut une équipe de chercheurs qui vient de trouver un spécimen de trous noirs représentant une nouvelle population. Des trous noirs presque indétectables. Les astrophysiciens ont exploité parallèlement le télescope Chandra X-ray Observatory pour les rayons X, le télescope spatial Hubble pour le visible et le Karl Jansky Very Large Array pour les ondes radio, pour étudier une source radio située apparemment dans l'amas globulaire M15 et qui était estimée être une galaxie très distante en arrière-plan de l'amas. Ce qu'ils montrent dans leur étude acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal, c'est que cette source, qui n'est en fait pas du tout en arrière-plan de l'amas globulaire M15, mais en avant-plan, n'est autre qu'un trou noir dans un système binaire en couple avec une petite étoile. Cette découverte est importante car là où il se trouve, ce trou noir est inédit, et sa présence dans cette petite zone de la galaxie suggère qu'il en existe de très nombreux autres du même type dans notre galaxie. Cette source d'ondes radio particulière est nommée VLA J2130+12 et a été découverte il y a une vingtaine d'années. Ce n'est que récemment que les astronomes ont compris que VLA J2130+12 était à une distance relativement faible. Des observations récentes ont en effet été effectuées à l'aide de plusieurs radiotélescopes comme le European Very Long Baseline Interferometry Network, le Green Bank Telescope et le radiotélescope d'Arecibo. Et on montrait que la source se trouvait à 7200 années-lumière seulement, donc bien dans notre propre galaxie et 5 fois plus près que l'amas globulaire M15. Alors que les observations avec le VLA indiquent une forte émission radio, les observations avec Chandra montrent une très faible émission de rayons X. Les chercheurs concluent que VLA J2130+12 est un trou noir de quelques masses solaires qui accapare très lentement de la matière d'une étoile compagne qui lui tourne autour. C'est son faible taux d'accrétion de gaz qui masque la vraie nature de ce trou noir. On appelle ces objets des trous noirs binaires calmes. Bailey Teratenko de l'Université d'Alberta, auteur principal de l'étude, précise « Habituellement, nous trouvons des trous noirs lorsqu'ils accrètent beaucoup de matière qui devient très chaude avant de tomber dans le trou noir et émet alors énormément de rayons X. Celui-là est si calme qu'il est presque indétectable. » C'est en fait la première fois qu'un trou noir binaire est découvert à l'extérieur d'un amas globulaire dans un état aussi calme. L'étoile qui accompagne le trou noir est toute petite, avec une masse de seulement environ 1/5 à 1/10 de la masse du Soleil. Les données en ondes radio et en rayons X ont permis aux astrophysiciens d'exclure d'autres hypothèses pour VLA J2130+12, comme une étoile naine ultra froide, une étoile à neutrons ou encore une naine blanche dans un système binaire. À partir du fait que la zone du ciel observée ne représentait qu'une portion très petite de la Voie lactée, les chercheurs peuvent estimer quelle doit être la fréquence de ce type de trou noir binaire calme. Et le chiffre est impressionnant. Leur nombre se montrait, avec une large barre d'erreur, jusqu'à plusieurs millions, alors que le nombre qui était estimé jusque-là ne dépassait pas 3000. Bon, on ne parle bien que de notre galaxie, hein, la Voie lactée. Certains de ces trous noirs quasi indétectables pourraient être assez proches de nous, voire à quelques années-lumière. Un point notable pour le trou noir de VLA J2130+12 est qu'il ne se situe pas dans le plan du disque galactique. Il se trouve à 3000 années-lumière au-dessus de ce plan, ce qui laisse présager que, s'il a été formé à l'origine dans le plan galactique, il aurait dû subir une sérieuse accélération pour l'emmener là où il se trouve aujourd'hui. Avec cette observation, on ne peut que repenser à la théorie très récente prédisant l'existence d'un halo sphérique de millions de trous noirs primordiaux entourant chaque galaxie. Mais avant de faire le lien entre la théorie et cette belle découverte, il faudra poursuivre plus avant la recherche systématique de sources communes d'ondes radio et de rayons X dans la Voie lactée pour détecter l'indétectable, ou presque. L'article de Bailey Teratenko et ses collaborateurs s'intitule « The first low-mass black hole X-ray binary identified in quiescence outside of a globular cluster » et il a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal. Mais il est aussi accessible sur le site de Preprint Archive. Et comme d'habitude, je vous mets le lien en bas de ce billet. Voilà, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr, le blog où l'univers des trous noirs se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast comme toujours sur iTunes, sur PodCloud et bien sûr toujours sur le blog, puisque chaque billet est accompagné de sa version audio, que vous pouvez donc écouter tout en admirant les jolies illustrations qui ornent chaque billet, que je prends plaisir à rédiger le plus souvent possible. Voilà. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut, bon ciel.